Hein. Zéro punto, nueve dans la gof. Elle est dans le love, moi je suis dans les loves. Palmarès du club, normal qu'on l'étoffe. Je vais tout prendre, partir comme Khabib, Nurmagomedov. C'est la rue la vraie, facture EDF. Merci Dieu, parce que mes cauchemars, c'est mieux que tes rêves. C'est plus comme c'était, je fais des sommes, mais la daronne fait de l'anxiété. Devant le bloc, je suis en stun CP. Y'a des plans shit, des plans folles, des plans CP. J'ai mis le peupon sous le lit, mais bébé n'est pas ravi. J'y peux rien avec la rue, j'ai signé contre avis. On se met pas au garde à vous, quand j'ai en bas ta vue. Mais si t'es pas à l'affût, on finira en garde à vue. C'est chaud comme c'est la crise. Le bruit du bep bep, la boîte aux lettres remplie de barrettes. On sort des ténèbres, j'ai tout affronté. On va pas feinter, sur le corner, sur le renté, comme de la fuente. Te casse pas la tête, ils vont payer la cuenta. Millions de fiches, je suis resté le même, comme le chiffre de la puenta. Fuck le variant Delta, ramène le Z là. Car avec tout ce qu'on a vécu, je pensais pas en être là. Et là, les cheveux bouclés, j'ai mis les hauts clés. Drogue, sexe, monnaie, je connais bien les mots clés. J'ai le regard noir, ça sent la patate, on descend à 4. Si j'étais à 4 dans la cité. Kilo dans l'appart, ça tape à la porte. Si ça porte plainte, faut pas me citer. Façon je suis rabat, on se revira pas. T'es plus sur la carte, j'prends de la vitesse. J'prends de la vitesse, yeah. C'est la rue qui te porte canoncier sur les épaules. Coupe au bol, t'es cramé depuis l'époque des billes. Ça tire des pénalties avec des balles à zéro goal. Non j'ai pas changé, fidèle au cartel comme Francesco Totti. Y'a mon cœur sur le trottoir comme un SDF sans plaid. En plein hiver on suffoque, en plein été c'est la neige. AK dans un bobsleigh, grâce à roquette sous les balles. Nique ta mère dans nos bouches, c'est de l'amour verbal. On pleure ta mort premier jour, et le second un peu moins. Et le jour d'après on t'oubliera un peu comme le cul d'une joint. Y'a des zombies devant le bloc, ça veut atteindre le Mont Blanc. Prêt à mettre tir fesse dans le cul pour un rail de ciment. Snapchat, non c'est pas un PGP. 2021 y'a des armes qui font la taille d'une épée. Quelle époque, elle est loin l'époque d'époque. Et tous les jours je remercie Dieu de ne pas être à la mode. La raison et les torts, j'arrive, je repars. Mon père, mon repère, j'ai vendu la pure. J'suis pas en retard, les allers-retours. Promenade des mitards, y'a que des mythos. J'repars aussitôt, j'ai pas la guitare. Faut que son mi-temps et faut que l'amitié. Y'a zéro pitié, j'préfère la quitter. J'serai pas acquitté, j'suis pas invité, j'suis plus évité. C'est moi la cité, toi tu fais crécheter. J'ai le regard noir, ça sent la patate. On descend à 4, si j'étais à 4 dans la cité. Kilo dans la porte, ça tape à la porte. Si ça porte plainte, faut pas me citer. Façon je suis rabat, on se reverra pas. T'es plus sur la carte, j'prends de la vitesse. J'prends de la vitesse, yeah.